L'escarpin par Jules Moineau. Ce fin soulier, débarrassons-nous tout de suite de la chose difficile à dire. L'élégant jeune homme qu'il chaussait le retira en pleine soirée du meilleur monde. Oh, messieurs, si bien élevé que vous soyez, ne vous hâtez pas de crier au manque de savoir-vivre de notre élégant jeune homme, et que celui de vous qui ne pardonne pas le désir de caresser sous la table les tibias d'une jeune femme aimée lui jette la première pierre. Octave Latournelle, c'est son nom, n'était pas seulement ce que dans les salons où l'on danse on appelle une paire de jambes. Outre ses jambes, dont la vigueur était appréciée, il avait ses mains, dont l'adresse était admirée, et le plus habile prestidigitateur eût été fier d'avoir fait un tel élève. À son ordre, les montres passaient d'un gousset dans un autre, les pièces d'or lui fondaient dans les doigts, les fleurs poussaient sur lui comme sur un arbuste magique. Il en sortait de ses poches, de ses manches, de son gilet, de sa cravate, de quoi orner tous les corsages, et ce, après avoir préalablement retroussé ses poches, relevé ses manches et ouvert son gilet. Enfin, c'était l'enchanteur des salons et l'enfant gâté des dames. J'ai dit l'enfant gâté. Peut-être se croyait-il l'enfant chéri. Comme le héros d'Aline, reine de Golconde. Toujours est-il qu'il était amoureux et le fit comprendre avec cette audace que donne la certitude de la victoire. La femme aimée était la jeune épouse du général Rascalon, et le grade seul du mari me dispense de mentionner la disproportion d'âge entre les deux époux. Je n'apprendrai d'ailleurs à personne que tous les vieux officiers supérieurs ont des jeunes femmes, ce qui prouve qu'un vrai brave ne recule devant les dangers d'aucune sorte. N'a-t-il pas pour lui le prestige de l'épaulette? Reste à savoir si le prestige de la jeunesse, chez l'ennemi conjugal, ne l'emporterait pas sur la graine d'épinard. Toute la question est là. Dans l'espèce, comme on dit au palais, il est de tradition que le mari est le jaloux traditionnel, une espèce de dur à cuire, martialement laid, comme le capitaine Baretti de Charles de Bernard. Eh bien, le général n'était pas ça du tout. Mais s'il n'était pas Othello, il n'était pas non plus Georges Dandin. Confiant dans la vertu de sa jeune femme, il n'avait pas les illusions biscornues de Sganarelle. Cependant, s'il eût vu de ses propres yeux, il est douteux que sa bonne et franche figure eût conservé son caractère, que sa voix douce n'eût pas pris des éclats inconnus. Ceci, disons-le, est une supposition qui ne fut probablement venue à l'esprit de personne, étant connu le goût du vieux brave, pour les récits d'aventures salées dont les maris font les frais, sa qualité de fidèle abonné à la vie parisienne et sa préférence sur tous les théâtres pour la scène du Palais-Royal, où il avait vu jouer plusieurs fois la sensitive et le plus heureux des trois, sa jeune femme aussi du reste, en quoi il avait été imprudent, mais comme il l'amenait aussi au bal, n'invoquait jamais son âge pour refuser d'y passer la nuit et rester jusqu'après le cotillon. Il est clair qu'en tout, il ne voyait que le plaisir de sa compagne, et pour chacun, la générale était absolument heureuse. Elle l'était peut-être en effet, mais persuadez donc que son bonheur était complet à des gaillards qui, du haut de leurs 25 ans, vous répondront « Avec un vieux, laissez-moi donc tranquille ». Ne blaguons pas, les vieux. On en connaît encore pas mal qui ont de nombreuses petites familles. Ce n'était pas le cas du général, puisqu'il était sans enfant, mais il avait du temps devant lui, avant d'atteindre l'âge où l'on en a toujours, comme l'affirmait plaisamment le médecin Corvisart, si je ne me trompe. Le général faillit bien ne pas attendre cette époque de paternité infaillible. Il découvrit le danger, non pas seulement avant tout le monde, ce qui serait déjà assez rare, mais lui seul. Ce qui est plus rare encore, et il sauva son honneur menacé en homme d'esprit, ce qui ne doit pas être autrement. Et nous voici arrivés aux souliers du prestidigitateur amateur. J'ai dit que le fait se passait dans une soirée du meilleur monde. On dansait dans les salons. Le général, lui, causait avec quelques vieux invités dans une petite pièce voisine d'une chambre transformée en salle de jeu. Il jeta négligemment ses regards du côté des joueurs et eut un mouvement de surprise. « Ah ça, mais... » dit-il en mettant son lorgnon. « Je ne me trompe pas. Oui, c'est ma femme assise à une table de whist. Je la croyais en train de polquer ou de valser, et elle joue. Il faut qu'elle se soit bien fatiguée, elle qui ne joue jamais et qui danse toujours. Je vais la gronder d'importance, » ajouta-t-il en riant, de s'en être donné au point de renoncer à son plaisir favori pour aller se reposer les cartes en main. Il quitta sa société et se dirigea vers les joueurs. Un heure l'ayant fait tomber sous l'orgnon près de la table de whist, il se baissa pour le ramasser et aperçut sous cette table un escarpin verni sorti du pied de son propriétaire, lequel pied, chaussé d'un fin bas de soie noire, caressait les tibias de la générale. Mais il remarqua également que celle-ci évitait constamment le pied occupé avec persistance à chercher le sien. « Allons !» se dit le mari, en empruntant une image tirée de son état. « La place est attaquée, mais elle se défend. J'arrive à temps. » Alors, calme et souriant comme s'il n'eût rien vu, appuyé sur le dossier de la chaise de la générale, la questionnant sur sa chance au jeu, la conseillant, critiquant ses fautes, il se livrait à un exercice qu'eût inspiré à un vaudevilliste une situation d'un comique irrésistible tiré de la difficulté de l'exécution. Le général avait entrepris d'attirer avec le bout de sa botte l'escarpin abandonné sous la table, provoquant à chaque instant des soubresauts de pieds heurtés, des protestations de joueurs atteints, des regards étonnés de la part des témoins du mouvement de frotteur exécuté par sa jambe, et la générale de répéter à chaque instant « Mais, mon ami, qu'avez-vous donc à remuer ainsi ma chaise? Vous allez me donner la migraine. » À ce moment, la maîtresse de la maison vint demander à la tournelle s'il n'allait pas exécuter quelques-uns de ses jolis tours. « À vos ordres, madame, » dit-il distraitement, préoccupé qu'il était des mouvements inexplicables du général, lequel notamment venait de se baisser comme pour ramasser quelque chose et s'était aussitôt relevé. « Eh bien, monsieur, » dit la solliciteuse, « j'attends votre bras pour vous conduire. Vos spectatrices s'impatientent. » « Voilà, madame, voilà, » répondit la tournelle en cherchant du pied son escarpin, recommençant ainsi le pas du frotteur exécuté quelques instants avant. Et les assistants ne rirent, ce qu'ils n'avaient osé faire la première fois. Et la maîtresse de maison, surprise, d'attendre toujours, le bras plié, celui de son cavalier, se demandant s'il allait la laisser longtemps dans cette attitude. Les dames, impatientes, arrivaient en foule joindre leurs sollicitations à celles de leur ambassadrice. Il fallait sortir de là. Notre jeune homme en sortit, mais avec un seul soulier, car lui aussi s'était baissé et avait constaté la disparition du malheureux escarpin, et il se demandait anxieux comment il allait expliquer sa mésaventure. Son seul pied chaussé provoqua une hilarité générale, puis des applaudissements éclatants accompagnés de cris joyeux. « Ah, c'est un tour, c'est un tour !» L'enfant gâté des dames esquissa un sourire sans conviction et balbutia en offrant piteusement son bras si longtemps attendu. « Oui, mesdames, c'est un tour. » Des bravos, accompagnés de battements de mains, accueillirent ces paroles et lui de se dire « un tour, on vient de m'en jouer un. » Que je ne trouve pas drôle, et si je savais qui. » Puis, frappé d'une idée, « Ah, si c'était le général, ses mouvements singuliers. » Et puis je l'ai vu se baisser. « Ah, si c'était lui, elle serait mauvaise. Comment m'assurer ?» Et en conduisant sa dame, il cherchait à s'approcher du général. Il y parvint. Alors, du dos de sa main, il frappa avec précaution sur la poche de l'habit qu'il supposait contenir l'escarpin. « Rien !» Il voulut sonder l'autre poche, mais un mouvement du général l'avait mise hors de portée. Il s'agissait de passer du côté où elle se trouvait. « Où me conduisez-vous donc ? » demanda la dame qui l'entraînait. « Mais au salon, madame !» Et comme il avait tourné le général, il voulut tâter la poche. Nouvel empêchement qu'il n'avait pas prévu. Son bras sur lequel reposait celui de la dame lui rendait l'exploration impossible. Il offrit l'autre sous prétexte d'une ancienne blessure qu'il faisait souffrir et put enfin se livrer au même exercice que précédemment. Cette fois, il fut fixé. « Il y est !» se dit-il, et il se fit cette réflexion que le mari de son adorée avait surpris son petit manège sous la table. « Me voilà dans une jolie position » ajouta-t-il. Tout le monde était rentré au salon. La galerie s'était formée et attendait le tour promis. Il n'y avait pas à reculer. « Allons, » se dit l'imprudent amoureux, « il faut y aller, advienne que pourra. » Et il y alla. « Mesdames, » dit-il, « j'ai perdu mon soulier. Je ne l'ai pas sur moi. Voyez mes poches ?» Il les retourna. « Voyez mon habit ?» Il l'écarta. « Voyez mon gilet ?» Il l'ouvrit. « Voyez mes manches ?» Il les releva jusqu'au coude. « Ainsi, mesdames, rien dans les mains, rien dans les poches. Il s'agit donc de savoir où est l'objet perdu. Rien de plus facile, ce n'est qu'un petit calcul cabalistique à faire. Ceci dit, Il se couvrit les yeux avec une main, prit l'attitude de la méditation, puis, sans retirer sa main, il compta 1, 2, 3, 4, 5. « Mon soulier, s'écria-t-il, est dans la poche gauche de la sixième personne à ma droite. » Cette personne était le général. « Pas mal, » pensa celui-ci, et obéissant au cri, « Fouillez-vous, fouillez-vous, général !» Il retira l'escarpin de la poche indiquée. On applaudit bruyamment au succès du tour, puis, après quelques chuchotements, plusieurs voix s'écrièrent. « Ah, le général était compère !»« Oui, oui » répéta-t-on en chœur. Le prestidigitateur protesta. « Alors, recommencez le tour !» lui cria-t-on, et toute la société de répéter « Oui, oui, recommencez !»« Ah !» fit une dame, « le général vient de parler à l'oreille de M. Latournelle. » Et tout le monde répétait « Il est compère, il est compère !» Le général affirma qu'il n'était en aucune façon d'accord avec le prestidigitateur. « Mais vous venez de lui parler à l'oreille !» répétèrent les témoins de la confidence. « Ceci, mesdames, est rigoureusement exact. Vous avez demandé à monsieur une seconde expérience. Je lui ai dit tout bas qu'il y avait des tours qu'on ne doit pas recommencer. N'est-il pas vrai, monsieur ?»« Parfaitement vrai, général. Et je suivrai votre conseil. Mesdames, je vais vous faire un autre tour. » Il en fit un second, puis un troisième, puis d'autres encore, mais après celui de l'escarpin, il manquerait d'intérêt, et je n'en parlerai pas. Ainsi s'achève l'escarpin par Jules Moineau.